L'oreille sur le vif. Écoutez. Allô? Air France Roissy? Oui, monsieur. Qui est-il pour votre service? Je voudrais savoir s'il est possible de faire un appel par haut-parleur pour une personne qui va atterrir dans quelques instants. Oui. Quel est le nom de cette personne? Par quel vol arrive-t-elle? Il s'agit de monsieur Bertrand qui doit arriver par le vol de 12h15 en provenance de Moscou. Dites-moi ce que je dois lui dire. Il faudrait lui dire que monsieur Caron n'a eu son télégramme qu'en fin de matinée et qu'il le prie de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Je vais faire le plus vite possible pour arriver. Répétez. Allô? Air France Roissy? Oui, monsieur. Qui est-il pour votre service? Je voudrais savoir s'il est possible de faire un appel par haut-parleur pour une personne qui va atterrir dans quelques instants. Oui, quel est le nom de cette personne? Par quel vol arrive-t-elle? Il s'agit de monsieur Bertrand qui doit arriver par le vol de 12h15 en provenance de Moscou. Dites-moi ce que je dois lui dire. Il faudrait lui dire que monsieur Caron n'a eu son télégramme qu'en fin de matinée et qu'il le prie de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Je vais faire le plus vite possible pour arriver. Écoutez. Monsieur Bertrand est attendu au bureau information. Je suis monsieur Bertrand. Je viens d'entendre votre appel. Oui, monsieur. Il y a un message pour vous. Je me demande ce qui peut bien se passer. Monsieur Caron vous fait dire qu'il n'a eu votre télégramme qu'en fin de matinée. Il vous demande de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Il arrive dès que possible. Répétez. Monsieur Bertrand est attendu au bureau information. Je suis monsieur Bertrand. Je viens d'entendre votre appel. Oui, monsieur. Il y a un message pour vous. Je me demande ce qui peut bien se passer. Monsieur Caron vous fait dire qu'il n'a eu votre télégramme qu'en fin de matinée. Il vous demande de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Il arrive dès que possible.